à dire que sur des sujets convenus. Ce qui lui fait tant plaisir, c'est d'aligner de pauvres phrases pédantes à en sourire, naïve et pleine d'emphase. C'est un chef-d'œuvre en péril, au verbiage désolant. Sa nature est débile, son auteur un démon. Mais ce qui est fâcheux, c'est que cela se chante avec l'air pompeux de la bêtise. Il n'est pas en état de nuire. Personne n'a jamais pu être assez fou pour l'applaudir. Ses musiques sont sans saveur, ses textes n'ont pas le souffle de l'épopée du drame de cœur. Car c'est un poète en pantoufle. Sa voix n'exprime rien d'autre qu'une factice. Cette folie.